Nous allons donc jouer un chapeau de paille d'Italie. Le jouer, non, parce que ça se joue au théâtre. Il a été créé, ce vaudeville d'Eugène Labiche, peut-être le chef-d'œuvre de Labiche, a été créé en 1851 au Palais Royal. C'est le chef-d'œuvre, en effet, de Labiche, je crois, parce que l'idée philosophique qui est contenue dans ce petit vaudeville en cinq actes, assez long, assez important, mais tout de même, ce n'est qu'un vaudeville, mais la pensée philosophique est très jolie. C'est, en somme, ceci. Nous ne sommes heureux dans la vie que quand nous atteignons le désir, quand nous atteignons le but de notre désir. Or, la vie, la providence, appelons-la comme l'on veut, met toujours des embûches sur notre chemin. Il s'agit de les franchir les uns après les autres. Or, l'histoire de ce jeune homme qui court après un chapeau de paille d'Italie pendant cinq actes est justement la synthèse de cette petite pensée philosophique. Nous commençons donc par le premier acte qui se passe dans un salon. C'est un salon chez le bourgeois, jeune bourgeois riche, qui s'appelle Fadinard. Nous sommes chez lui et le rideau va se lever sur une toute petite ouverture dont je vous donne un aperçu. En scène, deux personnages, une jeune bonne qui s'appelle Virginie et un jeune domestique qui s'appelle Félix. Écoutons-les parler. Oh non, laissez-moi, monsieur Félix, je n'ai pas le temps de jouer, rien qu'un baiser. Non, non, non, non, je ne veux pas, mais puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet. Oh, ben s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet, où il n'y a que 4000 habitants, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ça. Monsieur Fadinard, votre bourgeois se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à venir voir la corbeille, voyons la corbeille. Nous avons bien le temps, mon maître est parti hier soir pour aller signer son contrat chez le beau-père. Il ne revient qu'à 11h avec toute sa noce pour aller à la mairie. Ah, la mariée est-elle jolie? Oh, bon, je trouve l'air godiche, moi. Mais elle est d'une bonne de famille, c'est la fille d'un pépiniériste de Charentonneau, le père Nonancourt. Et dites donc, monsieur Félix, si vous entendez dire qu'on ait besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Hein. Ah, vous voulez donc quitter votre maître, monsieur Beaupertuis? On ne m'en parlait pas, c'est un acariâtre. Premier numéro, il est grognon, maussade, sournois, jaloux. Et sa femme, dont certainement, j'aime pas dire du mal des maîtres. Hein. Oh non, une chipie, une bégueule qui ne vaut pas mieux qu'une autre, mais parbleu. Dès que monsieur part, craque, elle part. Et où va-t-elle? Oh, elle me l'a jamais dit ça, jamais. Oh, on ne pouvait pas rester dans cette maison-là, voyons. Ah, et puis ça me ferait tant de plaisir de servir avec quelqu'un de Rambouillet, Seine-et-Oise. Et ils s'embrassent. Ils s'embrassent au moment où la porte s'ouvre et on voit un très vieux monsieur qui s'appelle Vézinet et qui entre tenant à la main un carton à chapeau de femme. Notez bien ce détail, ce carton à chapeau va jouer un très grand rôle dans la pièce. Vézinet arrive. Vous dérangez pas, c'est moi, l'oncle Vézinet. Ah, la noce est-elle arrivée? Domestique, pas encore, aimable perruque. Oh, qu'est-ce que vous faites donc? Il est sourd comme un pot, vous allez voir. Alors, nous allons donc à la noce, joli jeune âme. Nous allons donc pincer un rigodon, hein, si ça ne fait pas pitié. Allez donc vous coucher. Merci, mon ami, merci, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, mais j'ai appris que c'était ici, alors je suis venu ici. Oui, oui, oui, monsieur de la Palisse est mort de maladie. Non, pas à pied, oh, en fiacre. Tenez, portez donc ça dans la chambre de la mariée. C'est mon cadeau de noces. Prenez garde, hein, c'est fragile. Virginie, je vais profiter de ça pour voir la corbeille. Adieu, amour de sourd. Adieu, adieu. Et la petite sort avec le carton, en portant le carton. Elle est gentille, cette petite. Et ça fait plaisir de rencontrer un joli minois. Ah, par exemple, à votre âge, ça va finir, hein, gros farceur, ça va finir. Merci, merci. Et très convenable, ce garçon. Et à ce moment-là, on voit arriver Fadinard. On l'entend de loin. Dételé le cabriolet. Ah, oh mon Dieu, en voilà une aventure. Ça me coûte 20 francs, mais je ne les regrette pas. Félix, monsieur, figure-toi, monsieur arrive seul et la noce de monsieur est en train de s'embarquer à Charentonneau dans 8 fiacres. J'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon lit conjugal. Les tapissiers ont-ils fini? A-t-on apporté la corbeille, les cadeaux de noce? Oui, monsieur, tout est là dans la chambre. Bon, très bien. Figure-toi que parti ce matin à 8h de Charentonneau, mon neveu se fait bien attendre, dit le sourd. Ah, l'oncle Vézinet, bon, va-t'en, Félix, j'ai mieux que toi. Figurez-vous, mon oncle, figurez-vous que parti... Ah, oh, mon neveu, permettez-moi de vous féliciter. Hein? Il cherche à embrasser Fadinard. Quoi? Ah oui, on s'embrasse énormément dans la famille de ma femme, oui. Figurez-vous que parti ce matin, mon oncle, à 8 heures de Charentonneau. Et la mariée? Oui, elle me suit de loin, dans 8 fiacres. Parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. Et je viens d'apporter mon cadeau de noces. Ah, c'est très gentil de votre part, très gentil. J'étais dans mon cabriolet, je traversais le bois de Vincennes, tout à coup je m'aperçois que j'ai laissé tomber mon fouet. Ah, oh, mon neveu, ces sentiments vous honorent. Quel sentiment? Ah, ça pratique, j'oublie toujours qu'il est sourd, moi. Ça ne fait rien. Comme le manche est en argent, j'arrête mon cheval et je descends. À 100 pas de là, je l'aperçois dans une touffe d'ortie. Ouf, je me pique les doigts. J'en suis bien aise. Merci. Je retourne, plus de cabriolet. Mon cabriolet avait disparu. Félix. Monsieur a perdu son cabriolet? Monsieur Félix, je cause avec mon oncle qui ne m'entend pas. Je vous prie de ne pas vous mêler à ces épanchements de famille. Je dirai plus. Les bons maris font les bonnes femmes. Oui. Tu en plan. Oui. Bon, mon cabriolet donc avait disparu. Je questionne, j'interroge, on me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. J'y cours, et qu'est-ce que je trouve? Mon cheval, en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Je m'approche, aussitôt une voix de femme part de l'allée voisine et s'écrie « Ciel, mon chapeau !» Le bouchon de paille était un chapeau. Elle l'avait suspendu à un arbre tout en causant avec un militaire. Je dis Félix, c'est cocasse. Entre nous, mon oncle, je crois que c'est une gaillarde. Hein? Non, je suis de Chaillot. J'habite Chaillot. Hein? Ah oui, tu as le tuteur en plan. Oui, près de la pompe à feu. Oui, c'est convenu, oui. J'allais donc présenter mes excuses à cette dame et lui offrir de payer le dommage lorsque ce militaire s'interpose. Une espèce d'Africain rageur commence par me traiter de petit criquet, ça presque. La moutarde me monte au nez, ma foi, je l'appelle Benizoukzou. Oh, il s'élance sur moi, je fais un bond et je me trouve dans mon cabriolet. La secousse fait partir mon cheval et me voilà. Je n'ai eu que le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau ou de 20 sous, je ne suis pas fixé. Je verrai ça ce soir en faisant ma caisse. Eh bien, tenez, regardez mon oncle. Et il tire de sa poche un fragment de chapeau de paille orné de coquelicots. Tenez, voilà la monnaie de ma pièce. Vésinet. Oh, la paille est belle. Oui, mais trop chère la botte. Faudrait chercher longtemps avant de trouver un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Alors Félix, le domestique, s'approche et il prend le morceau de paille, l'échantillon, il le prend dans la main de Vésinet. Voyons. Monsieur Félix, je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Mais monsieur, silence, marouf, comme dit l'ancien répertoire. Dites donc, mon neveu, à quelle heure va-t-on à la mairie? À 11 h. 11 h, il montre avec ses doigts. On dînera tard, hein, j'ai le temps d'aller prendre un riz au lait, vous permettez? Oh, mais commandant, ça me fera extrêmement plaisir. Adieu, mon neveu! Adieu, mon oncle, adieu. Hein, quoi? Ah oui, il veut m'embrasser, c'est un tic de famille, oui. Là, voilà. Au revoir, mon oncle. Une fois marié, tu ne me pinceras pas souvent jouer à ça, tu sais. Non. Et l'autre côté. Ah ben oui, c'est ce que je disais. Et l'autre côté. Voilà. Au revoir, mon oncle. Adieu, caresse en pot-au-feu à ta déplorable manie. Je compte me soustraire un peu en revenant de la mairie. Au revoir, mon oncle. Ouf. Ah, enfin, dans une heure, je serai marié. Ah, je n'entendrai plus mon beau-père me crier à chaque instant. Mon genre, tout est rompu. Vous êtes-vous trouvé quelquefois en relation avec un porc épique? Non? Eh bien, tel est mon beau-père. J'ai fait sa connaissance dans un omnibus. Oui, son premier mot fut un coup de pied. J'allais lui répondre un coup de poing quand un regard de sa fille me fit ouvrir la main et je passai ses 6 gros sous au conducteur. Après ce léger service, il ne tarda pas à m'avouer qu'il était pépiniériste à Charentonneau. Voyez comme l'amour rend ingénieux, je lui dis « Monsieur, vendez-vous de la graine de carotte ?» Il me répondit « Non, monsieur, mais j'ai de bien beaux géraniums. » Cette réponse fut un éclair. « Combien le pot, monsieur ?»« 4 francs, marchons. » Arrivé chez lui, je choisis 4 pots. C'était justement la fête de mon portier. Et je lui demande la main de sa fille. « Oh, qui êtes-vous ? » J'ai 22 francs de rente. Sortez, monsieur, par jour. Oh, Asseyez-vous donc, je vous en prie. Admirez-vous la laideur de son caractère. À partir de ce moment, je suis admis à partager sa soupe aux choux en compagnie du cousin Bobin, un grand dadais qui a la manie d'embrasser tout le monde, surtout ma femme. On me répond à son robe, ils ont été élevés ensemble, mais c'est pas une raison. Et une fois mariés, oh, mariés. Êtes-vous comme moi? Ce mot me met une fourmi à chaque pointe des cheveux. Il n'y a pas à dire, dans une heure, je le serai. Marié. J'aurai une petite femme à moi tout seul. Et je pourrai l'embrasser sans que le porc-épic que vous savez me crie « Monsieur, on ne marche pas dans les plates-bandes !» Oh, pauvre petite femme. Eh bien, je crois que je lui serai fidèle. Parole d'honneur. Non? Oh, si. Elle est si gentille, mon Hélène, sous sa couronne de mariée. Une rose avec une couronne d'oranger. Telle est la lithographie de mon Hélène. Je lui ai fait arranger un appartement délicieux. Ici, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Oui, c'est déjà pas mal. Mais par là, oh, par là, c'est délicieux. Un paradis en palissandre, avec des rideaux chamois. Oh, c'est cher, oui, c'est cher. Mais enfin, c'est joli. Un mobilier de lune de miel. Ah, je voudrais qu'il fût déjà minuit un quart. Ah, tiens, j'entends des voix, on monte. C'est elle et son cortège. Oh, ben voilà les fourmis. Tiens, en veux-tu les fourmis. Et à ce moment-là, il croit avoir arrivé sa noce et sa fiancée. Mais pas du tout. La porte s'ouvre et on voit en dehors une dame sans chapeau et un officier. Et la dame pousse toujours des cris. La dame s'appelle Anaïs et l'officier s'appelle Émile. Anaïs. Non, monsieur Émile, je vous en prie. Entrez, madame, entrez, ne craignez rien. Fadina, mon Dieu, la dame au chapeau et son Africain, sapristi. Émile, pas de scandale. Soyez tranquille, je suis votre cavalier. Vous ne comptiez pas nous revoir si tôt, monsieur? Certainement, dit Fadina. Votre visite me flatte beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils me veulent? Offrez donc un siège à madame. Ah, pardon, madame désire s'asseoir, je ne savais pas. Et maintenant, ce que j'attends. Vous avez un cheval qui marche bien, monsieur. Pas mal, vous êtes bien bon. Est-ce que vous l'avez suivi à pied? Oh, du tout, monsieur. J'ai fait monter mon brassard derrière votre voiture. Ah, ben, si j'avais su, j'avais mon fouet. Si vous aviez su? Je l'aurais prié de monter dedans. Oh, mais m'agace l'Africain. Émile, le temps se passe. Abrégeons cette visite. Oui, je suis tout à fait de l'avis de madame. Abrégeons, monsieur. J'attends ma noce. Monsieur, vous auriez grand besoin de quelques leçons de savoir-vivre. Lieutenant, j'ai fait mes classes. Vous nous avez quittés fort impoliment dans le bois de Vincennes, monsieur. Ben, j'étais pressé. Et vous avez laissé tomber par mégarde sans doute cette petite pièce de monnaie. 20 sous, hein? Tiens, c'était 20 sous. Oui, eh ben, je m'en doutais, oui. C'est une erreur, monsieur, je suis fâché que vous ayez pris la peine de... tenez, monsieur, voilà, monsieur. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? 20 francs pour le chapeau. Monsieur, Émile! Oh, c'est juste. Oh, mon Dieu, j'ai promis à madame de rester calme. Je resterai calme. Ben, mon Dieu, monsieur, j'ai cru que c'était le prix. Est-ce 3 francs de plus? Je suis pas à sa preuve. Il ne s'agit pas de ça, monsieur. Nous sommes pas venus ici pour réclamer de l'argent. Non, mais alors, quoi, monsieur? Des excuses d'abord, monsieur. Des excuses à madame. Des excuses, moi, c'est inutile, monsieur, je vous dispense. Du tout, madame, je suis votre cavalier. Des excuses. Oh, que cela ne tienne, madame. Quoi qu'à vrai dire, ce ne soit pas moi personnellement qui mangeais votre chapeau, n'est-ce pas? Et encore, madame, êtes-vous bien sûr que mon cheval n'était pas dans son droit en grignotant cet article de mode? Vous dites, monsieur? Écoutez donc, monsieur, pourquoi madame accroche-t-elle ses chapeaux dans les arbres? Un arbre n'est pas un champignon, peut-être. Pourquoi se promène-t-elle dans les forêts avec des militaires? C'est très louche, ça, madame. Monsieur! Oh, que voulez-vous dire, monsieur? Apprenez que monsieur Tavernier. Qui ça, Tavernier? C'est moi, monsieur. Ah, monsieur Tavernier, enchanté, monsieur. Que monsieur Tavernier est mon cousin. Nous avons été élevés ensemble. Je connais ça, c'est son Bobin. Et si j'ai consenti à accepter son bras, c'est pour causer de son avenir, de son avancement, pour lui faire de la morale. De la morale, oui, de la morale. La morale sans chapeau. Hein? Oh, morbleu! Amy, pas de bruit! Oh, permettez, madame. Cassez donc pas mes chaises, monsieur. Oh, je vais le flanquer du haut de l'escalier, moi. Ah non, il pourrait tomber sur la tête de Manos. Abrégeons, monsieur! J'allais le dire, monsieur, vous m'avez pris mon mot, j'allais le dire. Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame? Mais comment non, monsieur, très volontiers, je suis pressé, mais enfin, madame, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée avec laquelle enfin, j'infligerai une volée à cocotte, là. Ça ne suffit pas, monsieur! Non, eh bien, je la mettrai aux galères à perpétuité, là. Monsieur! Mais ne cassez donc pas mes chaises, monsieur! Ce n'est pas tout! Attendez! On entend à ce moment-là, on entend des voix dans l'escalier. Attendez! On nous redescendons! Oh mon Dieu, voilà quelqu'un. Fichtre, c'est le beau-père. S'il trouve une femme ici, tout est rompu. Surpris chez un étranger. Oh, que devenir? Elle voit la porte de droite. Madame, permettez. Monsieur, renvoyez ces gens-là, monsieur. Et nous reprendrons cet entretien. Ouf! et Fadinard ferme la porte sur Émile et sur Anaïs. Il les a fourrés dans une chambre au moment juste où Nonancourt entre par le fond avec Hélène, la fiancée, et le jeune Bobin. Et le père Nonancourt, le futur beau-père, entre. Il a un myrte dans les bras et il entre furibard. « Mon gendre, tout est rompu. Vous conduisez comme un paltoquet. Mais papa, silence, ma fille. » Et Fadinard, mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute la noce est en bas, monsieur. 8 fiacres. Un coup d'œil magnifique. Eh bien, vous deviez nous recevoir au bas de l'escalier pour nous embrasser. Faites des excuses à ma fille. Mais papa, silence, ma fille. Alors, monsieur, des excuses. Oh, mon Dieu, paraît que je n'en sortirai pas. Moi. Mademoiselle, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de ma considération la plus distincte. Autre chose. Pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Il n'a embrassé personne. Silence, Bobin. Répondez, monsieur. Madame, vous dormiez. Pas vrai, je tirais mes bottes. C'est parce que nous sommes des gens de la campagne, hein, des paysans, hein, des pipiniéristes. Ça n'en vaut pas la peine. Hein, comme le porc épic se développe là. Vous méprisez déjà votre famille. Tenez, bon père, purgez-vous. Je vous assure, ça vous fera du bien. Mais le mariage n'est pas encore fait, monsieur. On peut le rompre. Rompez, mon oncle, rompez, dit Bobin. Me serait pas marché sur le pied. Ouh, Christy, qu'est-ce que vous avez? J'ai des souliers vernis, ça me blesse, ça m'agace, ça me turlupine. Ouh, Christy, ça se fera en marchant, papa. Et elle tourne les épaules tout le temps. Tiens, qu'est-ce qu'elle a donc, ma fiancée? A-t-on apporté un myrte pour moi? Un myrte, pour quoi faire? C'est un emblème, monsieur. Ah, vous riez de ça, vous vous moquez de nous, parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans, des pipiniéristes. Allez, allez, allez, mais ça m'est égal, monsieur. Je vais le placer moi-même dans la chambre à coucher de ma fille, afin qu'elle puisse se dire... Ouf, Christy. Ah, papa, que vous êtes bon. Elle tourne toujours l'épaule, mais encore, ça c'est un tic que je n'avais pas remarqué, dit Fadia. Papa, hein, j'ai une épingle dans le dos, ça me pique. Ah, très bien, je disais aussi. Attendez, ma cousine, dit Bobin. Non, non, monsieur, restez chez vous. Monsieur. Puisqu'ils ont été élevés ensemble. C'est ma cousine, ça ne fait rien, on ne marche pas dans les plates-bandes, monsieur. Tiens, entre là, ma fille. Il montre le cabinet où justement se trouvait Émile avec l'Africain, dit Fadinard. Mon Dieu, non, non, non, non, non, non, non, non, pas par là. Pourquoi? Ben c'est plein de serruriers. Bon, alors marche, ma fille. Secoue-toi, ça la fera descendre. Oui, Christy. Oh, je n'y tiens plus, je vais mettre des chaussons de lisière. Il se dirige vers le cabinet où est Anaïs. Non, dit Fadinard. Pas par là. À cause? Ben, je vais vous dire, c'est plein de fumistes. Ah, ça, mais vous logez dans tous les corps d'État? Alors filons, nous faisons pas attendre. Bobin, donne le bras à ta cousine. Allons, mon gendre, à la mairie. Oui, Christy. Oh, dit Fadina, et les deux autres qui sont là. Je vous suis. Le temps de prendre mon chapeau, mes gants, oui. Vite, mon gendre, en carrosse, nos 8 fiacres nous attendent en bas. Et l'on dira, c'est une noce, comme à Paris, l'on n'en voit pas. Alors, ils sont partis, et... Fadinard immédiatement va aux deux portes et fait sortir Anaïs et Émile. Allons, venez, madame, venez, vous ne pouvez pas rester chez moi. Allons, monsieur. Monsieur, des crampons. Et à ce moment-là, Virginie, la petite bonne que vous avez vue au début de la pièce, entre en riant et elle tient à la main le morceau de chapeau de paille qui a été emporté par Félix, l'échantillon là qui a été mangé, du chapeau mangé. Elle ne voit pas les personnages qui sont en scène. Et pendant ce temps-là, Fadina remonte pour écouter s'éloigner Nonancourt et toute sa noce. Et Virginie se tord de rire. Ah, oh, c'est comique. Et Émile aperçoit la femme de chambre. Ciel, Virginie. Anaïs, qui allait entrouvert sa porte. Ma femme de chambre, nous sommes perdus. Oh, dit Virginie, une dame qui va faire manger son chapeau dans le bois de Vincennes avec un militaire. Fadina, tiens, d'où sort-elle celle-là? Oh, il ressemble à celui de madame, ce serait drôle tout de même. Et Émile tout bas dit à Fadina, renvoyez cette fille ou je vous tue. Oh, il faut que je sache. Oh, Dieu sacrebleu, dit Fadina. Il arrache le morceau de chapeau des mains de Virginie en lui disant, va-t'en, monsieur, va-t'en ou je te tue. Oh, elle disparaît. Fadina, quelle est cette créature? Que signifie? Et tout d'un coup, la porte s'ouvre, la porte d'Anaïs, et Anaïs entre en chancelant. Oh, Fadina, allons bon, elle se trouve mal maintenant. Anaïs, Madame, dépêchez-vous, je suis pressé. On entend la voix de Nonancourt au bas de l'escalier. Mon gendre, mon gendre. Oui, oui, voilà, voilà. Un verre d'eau sucrée, monsieur, un verre d'eau sucrée. Un verre d'eau sucrée, oui, oui, voilà. Ah, oh, sacrebleu, mon Dieu, quelle chance. Chère Anaïs. Allons, allons, morbleu. Ah, ben, ça fond, vertu bleu. Écoutez, madame, je ne voudrais pas vous renvoyer, mais je crois que si vous retourniez chez vous... Mais monsieur, ce n'est plus possible maintenant. Ah bah, comment plus possible? Mais cette fille, monsieur. Eh bien, madame, cette fille, ma femme de chambre, monsieur, elle a reconnu le chapeau. Elle va raconter à mon mari. Un mari à sa prolotte, un mari. Un jaloux, un brutal. Si je rentre sans ce maudit chapeau, lui qui voit tout en noir, il pourra croire des choses. Jaune. Je suis perdu, compromise. Oh, oh, j'offre une maladie. Oh, pas ici, madame, pas ici, l'appartement est très malsain. Mon gendre, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous décidons, monsieur? Il faut absolument se procurer un chapeau tout semblable et vous êtes sauvé. Eh, mais parbleu, mais l'Africain a raison. Tenez, madame, voici l'échantillon du chapeau. Et en visitant les magasins, moi, monsieur, mais je suis mourante. Mais vous ne voyez donc pas que madame est mourante, monsieur. Eh bien, ce verre d'eau. Voilà, voilà, monsieur. Ah, tiens, il est bu. Oh. Mais vous, vous, monsieur, vous qui n'êtes pas mourante. Moi, quittez madame dans un pareil état, monsieur. Mon gendre, mon gendre. Voilà, voilà, voilà. Voilà, mais ça prend l'autre, monsieur. Ce chapeau ne viendra pas tout seul sur la tête de madame. Mais sans doute, courez, monsieur, courez. Moi, mais au nom du ciel, partez, monsieur, partez vite. Mais partez vite et joli, mais je me marie, moi, madame. J'ai l'honneur de vous faire part de cet affreux événement. Ma noce m'attend au pied de l'escalier. Je me moque bien de votre noce. Oh, lieutenant. Mais surtout, monsieur, choisissez une paille exactement pareille. Mon mari connaît le chapeau. Mais madame, avec des coquelicots. Permettez, nous l'attendrons ici 15 jours, un mois s'il le faut. Et il s'installe sur des chaises. Ah, dit Fadina, de façon qu'il me faut galoper après un chapeau. Sous peine de placer ma noce en état de vagabondage. Ah, oh, vous êtes gentil. Vous. Eh bien, monsieur, partez-vous. Mais oui, oui, monsieur, je pars. Laissez mes chaises. Laissez. Ne touchez à rien, sapristi. Je cours chez la première modiste, moi. Qu'est-ce que je vais faire de mes 8 fiacres et le maire qui nous attend? Mon gendre, mon gendre. Voilà, voilà. Je vais tout compter au beau-père. Ah, oh, oh, par exemple, pas un mot, monsieur, vous êtes mort. Très bien. Ah, oh, vous êtes gentil. Mon gendre, mon gendre. Et on entend Nonancourt qui revient avec toute la noce. N'ouvrez pas, monsieur, n'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Il se cache derrière les portants de la porte et Nonancourt, au moment où il entre par le fond, mon gendre, tout est rompu. Oui, oui, partons, partons, partons. Attendez que je dépose mon myrte. Non, non, n'entrez pas, n'entrez pas. Pourquoi? Ben c'est, n'entrez pas, c'est plein de tapissiers. Allez, venez, venez, venez, venez. Et ils disparaissent tous. Fadinard les fourre dans le corridor, la porte se referme, Anaïs éplore et se jette dans les bras d'Émile. Oh, Émile! Émile dit, oh, Anaïs! Et le domestique rentre à ce moment et dit, qu'est-ce que c'est que ça? Au deuxième acte, nous sommes dans un salon de modistes. On voit un comptoir avec un grand registre, un encrier, des plumes, des portes de tous les côtés, des banquettes de chaque côté des portes, mais on ne voit pas un seul article de mode dans la maison, excepté une tête en carton qui se trouve là. C'est un salon de modistes, les magasins sont censés être à côté dans la pièce du deuxième plan de droite. Et dans ce salon de modistes élégant, mais un peu spécial, puisqu'on n'y voit pas beaucoup de chapeaux, se trouve la modiste elle-même, la patronne de la maison, qui est Clara. Clara est une ravissante petite personne blonde, très affriolante et très heureuse d'être patronne. Mes ouvrières sont à l'ouvrage, dit-elle, tout va bien. Ah, c'est une bonne idée que j'ai eue de m'établir. Il n'y a que 4 mois déjà, les pratiques arrivent. Oh, c'est que je ne suis pas une modiste comme les autres, moi. Je suis sage, je n'ai pas d'amoureux pour le moment. Et on entend un bruit de voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Fadinard entre brusquement dans le magasin. Madame, madame, madame, il faut un chapeau de paille. Vite, tout de suite, dépêchez-vous. Un chapeau de... Oh, oh mon Dieu. Bire, Clara, une ancienne. Oh, et ma noce qui est à la porte. Vous n'en tenez pas, madame. Très bien, je reviendrai. Et Clara l'arrête tout de suite. Ah, vous voilà, monsieur. Et d'où venez-vous? Fadinard dit, je ne fais pas de bruit, je vous expliquerai ça. J'arrive de Saumur. Depuis 6 mois? Oui, j'ai manqué la diligence. Au fichu rencontre. Ah, dit Clara. Vous êtes gentil. C'est comme ça que vous vous conduisez avec les femmes? Je ne fais pas de bruit, dit Fadinard. J'ai quelques légers torts, j'en conviens. Comment quelques légers torts? Monsieur me dit, je vais te conduire au château des fleurs. Nous partons, en route la pluie nous surprend, et au lieu de m'offrir un fiacre, vous m'offrez quoi, le passage des panoramas? C'est vrai, j'étais assez canaille pour ça. Une fois là, vous me dites, attends-moi, je vais chercher un parapluie, j'attends, et vous revenez au bout de 6 mois sans parapluie. Oh, Clara, tu exagères. D'abord, il n'y a que ça 1 mois et demi. Quant au parapluie, ben, c'est un oubli, je vais le chercher, je vais le chercher. Non, du tout, du tout. Elle le ramène. Il me faut une explication. Fadinard, dis ça pour ce Manoski drogue à l'heure dans 8 fiacres. Clara, ma petite Clara, tu sais si je t'aime. Oh, quand je pense que cet être-là avait promis de m'épouser, comme ça se trouve. Mais je te le promets toujours, Clara. Oh, d'abord, si vous en épousiez une autre, hein, je ferais un éclat. Oh, qu'elle est bête. Comment, moi, épouser une autre femme, en voyant. Mais la preuve, c'est que je te donne ma pratique. Ah, oui, j'ai besoin d'un chapeau de paille d'Italie, oui, tout de suite, avec des coquelicots. Oui, c'est ça, pour une autre femme. Oh, quelle bête. Un chapeau de paille pour une... Mais non, c'est pour un capitaine de dragon. Oui, il veut faire des traits à son colonel. C'est pas bien sûr. Mais je vous pardonne à une condition. Je l'accepte, mais dépêchons-nous, Clara. C'est que vous dînerez avec moi. Parbleu. Et vous me conduirez ce soir à l'ambigu. Ah, c'est une bonne idée. Voilà une bonne idée. J'ai justement ma soirée libre. Je me disais comme ça, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée? Ah, ça, c'est une bonne idée. Oui, mais voyons les chapeaux. Et c'est ici mon salon, venez dans mon magasin, mais ne faites pas de l'œil à mes ouvrières. Hein. Alors, elle entre d'un côté, par une porte. Fadinard va pour la suivre. À ce moment-là, Nonancourt, le père Nonancourt, le beau-père, entre dans le magasin. « Mon gendre, tout est rompu !» reprit-il le beau-père. « Oui, monsieur le maire. »« Eh bien, tout à l'heure, je le cherche. Attendez-moi. » Et à ce moment-là, arrivent Hélène, Bobin, Vézinet et tous les gens de la noce que l'on voit enfin. Tous ces gens de la noce entrent en procession en chantant. Parents, amis, en ce beau jour réunis, à la mairie, n'entrons en cérémonie. C'est en ces lieux que deux cœurs bien amoureux vont des époux prononcer les serments si doux. Tout le monde se croit à la mairie. Alors Nonancourt dit, enfin, nous voilà à la mairie. Mes enfants, je vous recommande de ne pas faire de bêtises. Gardez vos gants, ceux qui en ont. Quant à moi, Christite. Oh, puis t'es embêtant, Smyrte. Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Ah, je suis très ému. Et toi, ma fille? Oh, papa, dit Hélène, ça me pique toujours dans le dos. Marche, ça la fera descendre. Père Nonancourt, dit le cousin Bobin, déposez votre Myrte. Non! Je ne m'en séparerai qu'avec ma fille, Hélène. Oh, papa! Et toute la noce fait, oh, tout le monde pleure d'attendrissement. Oui, Christy, tiens, prends ça, j'ai une crampe. Et il donne le myrte à Bobin. Et le vieux Vézinet dit, ah, c'est très gentil ici. Voilà le prétoire, le registre de l'état civil. Il montre le comptoir et le livre qui est dessus. Nous allons tous signer là-dessus. Bobin, mais ceux qui ne savent pas, ils feront une croix. Tiens, ils aperçoivent la tête en carton. Tiens, un buste de femme. Oh, il n'est pas ressemblant. Non, dit Bobin, celui de Charentonneau est mieux que ça. Ils prennent le buste pour le buste de la République, parce qu'en 1851, c'était la Seconde République, n'est-ce pas, ne l'oublions pas. Hélène dit, papa, qu'est-ce qu'on va me faire? Rien, ma fille. Tu n'auras qu'à dire oui en baissant les yeux, et tout sera fini. Bobin, tout sera fini. Oh, et donne le myrte à Vézinet. Tenez, prenez ça, j'ai envie de pleurer. Vézinet, avec plaisir. Ah, et il s'apprêtait à se moucher, justement, Vézinet. Dieu, c'est que moi, j'ai envie de me moucher. Alors, il rend le mythe à Nonancourt. Tenez, père Nonancourt, prenez donc ça. Nonancourt, merci. Oh, si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Enfin, arrive tout d'un coup un vieil employé de la maison qui s'appelle Tardiveau. Ils le prennent pour le maire et désormais ils vont le suivre partout dans toute la maison parce que le père Tardiveau ne comprend rien à tous ces gens qui sont là dans le magasin, qui le suivent de tous les côtés. Enfin, toute la noce sort, suite tardivo, on les voit traverser le magasin dans tous les sens. Finalement, ils sont sortis. Et Fadinard, à ce moment-là, rentre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais où vont-ils? Clara revient. Ah, monsieur Fadinard, Clara, dites donc, voici votre échantillon. Je n'ai rien de pareil à ça. Comment? Oui, c'est une paille très fine qui n'est pas dans le commerce. Oh, vous n'en trouverez nulle part. Elle lui rend le fragment de chapeau. Sapristi, dit Fadinard, me voilà bien. Si vous voulez attendre 15 jours, je vous en ferai venir un de Florence. 15 jours, petite bûche. Je n'en connais qu'un semblable à Paris. Je l'achète. Oui, mais il n'est pas à vendre. Je l'ai monté il y a 8 jours pour madame la baronne de Champigny. Oh, Fadinard, une baronne. Je ne peux pas me présenter chez elle et lui dire, madame, combien de chapeaux? Oh, ma foi, tant pis pour ce monsieur, cette dame. Je vais d'abord me marier et puis après... On verra bien. Lorsqu'arrive le domestique Félix. Ah, monsieur, monsieur, monsieur, je viens de la maison. Ah, eh bien, ce militaire. Oh, il jure, monsieur, il grince, il casse les chaises. Ça précise. Il dit que vous le faites poser, que vous deviez être de retour dans 10 minutes, mais qu'il vous repincera, tôt ou tard, quand vous rentrerez. Félix, Félix, tu es mon domestique. Je t'ordonne de le flanquer par la fenêtre. Oh, il s'y prêterait pas, monsieur. Et la dame, la dame. Oh, elle a des attaques de nerfs, monsieur. Elle se roule, elle pleure. Ça séchera. Alors on a envoyé chercher le médecin. Il l'a fait mettre au lit et il ne la quitte pas. Au lit? Mais où ça, au lit? Dans quel lit? Dans le vôtre, monsieur. Profanation! Mais je ne veux pas la couche de mon Hélène, que je n'osais pas même traîner du regard. Et voilà une dame qui vient y rouler ses nerfs. Allez, va, Félix, cours, fais-la lever, tire les couvertures. Mais monsieur, dis-leur que j'ai trouvé l'objet, que je suis sur la piste. Quel objet, monsieur? Mais va donc, animal! Oh, il n'y a plus hésité, une malade chez moi, un médecin, il me faut ce chapeau à tout prix. Clara, Clara, Clara, Clara, vite. Où demeure-t-elle? Qui ça? Ta baronne. Quelle baronne? Mais de la baronne au chapeau, crétine! Oh, mais dites donc. Non, cher ange, vous voulez dire, cher ange. Donne-moi son adresse. Ben, monsieur Tardivo va vous y conduire, le voici, mais vous m'épouserez, hein, mais parbleu, mais oui. Et le vieux Tardivo, le vieil employé, arrive suivi de toute la noce. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Pourquoi diable me suivent-ils? Impossible de changer. Et Clara dit, allez, vite, conduisez monsieur chez la baronne de Champigny. Mais madame, dépêchons-nous, c'est pressé, j'ai pressé. J'ai 8 fiacres, prenez le premier, allez! Et Fadinard file chez la baronne de Champigny. Le troisième acte. Nous sommes dans un très riche salon. Des portes au fond s'ouvrent sur une magnifique salle à manger. Des meubles très riches de tous les côtés. Un piano, un meublement somptueux. Et dans une première scène, on voit la baronne de Champigny qui cause avec son cousin Achille de Rosalba. Et pendant cette scène, nous apprendrons que la baronne donne une grande soirée et qu'elle a fait venir le grand ténor à la mode, Nisnardi de Bologne. Retenez bien ce petit détail. Alors, on voit les apprêts de la fête qui va avoir lieu, du banquet, de la grande fête que donne la baronne, et puis tout le monde s'en va, à un moment donné la scène est vide, et timidement, une porte s'ouvre, et Fadinard entre tout seul dans la pièce. Ah, enfin, me voici chez la baronne. Elle est prévenue de ma visite. En sortant de chez Clara, la modiste, je lui ai vite écrit un billet pour lui demander une audience. Je lui ai tout raconté, et j'ai fini par cette phrase que je crois pathétique. « Madame, deux têtes sont attachées à votre chapeau. Rappelez-vous que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. » Dévouement, coiffure d'une femme. Je crois que ça fera bien. Et j'ai signé le comte de Fadinard. Et allez donc, ça ne fera pas mal non plus parce qu'une baronne... Oh, ça presque il met le temps à sa toilette. Et ma diable de noce qui est toujours là en bas. Mais oui, c'est qu'il n'y a pas à dire, ils veulent pas me lâcher. Depuis ce matin, je suis dans la situation d'un homme qui se serait posé une place de fiacre sur l'estomac. C'est très incommode. Pour aller dans le monde, sans compter le beau-père, mon porc-épic, qui a toujours le nez à la portière pour me crier « Mon gendre, êtes-vous bien? Mon gendre, quel est ce monument? Mon gendre, où allons-nous ? » Alors pour m'en débarrasser, je lui ai répondu « Nous allons au veau qui tête !» Et il se croit dans la cour de cet établissement, parce qu'ils sont en bas. Mais j'ai recommandé au cocher de ne laisser monter personne. Je n'éprouve pas le besoin de présenter ma famille à la baronne, moi. Sapristi. Elle met le temps à sa toilette. Si elle savait que j'ai chez moi deux enragés qui disloquent mes meubles, et que ce soir, peut-être ce soir, je n'aurais pas même une chaise à offrir à ma femme pour reposer sa tête. Mais oui, à ma femme. Ah tiens, je ne vous l'ai pas dit. Oh, c'est un détail, oui. Je suis marié. Oui, ça y est, c'est fini. Que voulez-vous? Le beau-père écumait, sa fille pleurait, Bob m'embrassait. Alors j'ai profité d'un embarras de voiture pour rentrer à la mairie et de là à l'église. Oh, pauvre Hélène. Si vous l'aviez vue avec son air de colombe. Oh, ça presti. Elle met le temps à sa toilette. Ah, la voici. En effet, on voit entrer la baronne en grande toilette de bal avec un bouquet. Oh, mille pardons, cher monsieur, de vous avoir fait attendre. Oh, c'est moi, madame, qui suis confus. C'est moi qui suis... Oh, bon, voilà mon trac qui me reprend. Je vous remercie d'être venu de bonne heure. Nous pourrons causer. Vous n'avez pas froid? Non, merci. Il s'éponge le front. Non, je suis venu en fiacre. Oui. Ah, dame, ça, il y a une chose, monsieur, que je ne peux pas vous donner. C'est le ciel de l'Italie. Car la baronne prend Fadinard pour Nisnardi, le ténor qui est attendu dans le salon. Oh, madame, dit Fadinard, il ne comprend pas. D'abord, je ne l'accepterai pas. Le ciel de l'Italie, ça me gênerait. Et puis, c'est pas là ce que je suis venu vous chercher. Non, je le pense bien. Quel magnifique pays que l'Italie, n'est-ce pas? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elle a de me parler de l'Italie? Madame la baronne a sans doute reçu le billet que je lui ai fait l'honneur. Non, que je me suis fait l'honneur. Enfin, que j'ai eu l'honneur de lui écrire. Oh, mais certainement, c'est d'une délicatesse. Elle s'assied, elle fait signe à Fadinard de prendre une chaise. Oh, vous avez dû me trouver bien indiscret, madame la baronne. Mais du tout. Dans ce cas-là, je demanderai à madame la baronne la permission de lui rappeler que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Comment, plaît-il? Je dis, le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Oui, sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a compris, elle va me remettre le chapeau. Convenez que c'est une belle chose que la musique. Hein? Quelle langue, quel feu, quelle passion. Oh, oh, ne m'en parlez pas, la musique. Oh, madame la baronne, la musique, oh. La musique, oui. Elle va me remettre le chapeau. Mais dites-moi, pourquoi ne faites-vous pas travailler Rossini, vous? Moi? Il y a une conversation entre des cousus, cette femme-là. Je rappellerai à madame la baronne que j'ai eu l'honneur de lui écrire un billet délicieux que je garderai toujours, croyez-le bien, toujours. Et elle s'en va. Comment, voilà tout? Qu'est-ce que vous pensez d'Alboni? Mais rien du tout, madame la baronne. Moi, je ferai observer à madame la baronne que dans ce billet, je lui demandais... Ah, folle que je suis, vous y tenez donc beaucoup, monsieur, j'y tiens. Mais comme l'arabe à son coursier. Oh, quelle chaleur méridionale. Il y aurait de la cruauté à vous faire attendre plus longtemps. Oh, et elle s'en va un peu. Oh, enfin, je vais le tenir, ce malheureux chapeau. Je pourrais rentrer chez moi. Ah, oh, il s'agit maintenant, voyons, payer, dois-je marchander? Non, une baronne, ne soyons pas crasseux. Voici, monsieur, voici, dit-elle en lui remettant gracieusement une petite fleur. Voici, je paye comptant. Et Fadina regarde la fleur, qu'est-ce que c'est que ça? Un œil et d'elle? Ça n'a donc pas reçu ma lettre? Oh, je porterai plainte contre le facteur. Alors, tous les invités de la baronne arrivent, ils emplissent tout le salon parce qu'on veut entendre le fameux chanteur exquis, le fameux Nisnardi. Alors, la baronne dit... Voulez-vous chanter, monsieur? Alors, Fadinard est bien obligé de jouer un rôle pour rester dans le salon. Eh bien, je ne le nierai pas, mesdames, je suis Nisnardi, je suis le grand Nisnardi. Ça semble flanquer à la porte. Tout le monde le salue, Seigneur. Eh bien, en attendant que nous soyons tous réunis pour entendre le rossignol de Bologne, si ces dames voulaient faire un tour dans les jardins, et tout le monde s'en va, pour tout en chantant, les invités s'en vont tous dans les jardins. Et Fadinard dit, au fait, c'est peut-être un moyen. Pardon, madame la baronne, j'aurais une petite prière à vous adresser. Seulement, je n'ose. Mais parbleu, vous savez que je n'ai rien à refuser au seigneur Nisnardi. C'est que ma demande va vous paraître bien fantasque, bien folle. Ah, mon Dieu. Entre nous, voyez-vous, madame, je suis un drôle de corps. Vous savez, les artistes, ils me passent par la tête mille fantaisies. Ah oui, je le sais. Ah, tant mieux. Et quand on refuse de les satisfaire, ça me prend ici. Ça me prend à la gorge. Voilà, et je parle comme ça. Impossible de chanter. Oh mon Dieu, mon concert. Mais parlez, monsieur, que vous faut-il, que désirez-vous? Ah, me voilà, même la baronne, c'est très difficile à demander. Oh, il me fait peur. Je sens que si vous ne m'encouragez pas un peu, c'est tellement en dehors des usages. Oh, mon bouquet, peut-être. Non, c'était pas ça. C'est infiniment plus excentrique. Oh, comme il me regarde, je suis presque fâché de l'avoir annoncé à mes invités, moi. Madame la baronne, mon Dieu, vous avez donc de jolis cheveux. Des cheveux? Ah non, par exemple, ça, il me rappelle un délicieux chapeau que vous portiez hier, madame la baronne. À Chantilly? Précisément. Ah, le délicieux chapeau, le ravissant chapeau. Comment, monsieur? C'est ça? Mais oui, oh, c'est que ça. Oh, vraiment, monsieur. Je l'aurai. Soyez tranquille, monsieur, ce chapeau, vous l'aurez. Ah, demain, je vous l'enverrai. Non, tout de suite. Mais cependant, tenez. Je l'ai dans les talons, là. Oh mon Dieu, Clotilde. Dans 5 minutes, monsieur, dans 5 minutes, vous serez satisfait. Oh, mais un chapeau, c'est si original. Elle s'en va en riant. Ah, dit Fadinard, ça y est. Dans 5 minutes, j'aurai décampé avec le chapeau. Je laisserai ma bourse en paiement. Ah, là, je pense au père Nonant à court. Doit y rager, hein, dans son fiacre. Et à ce moment-là, Nonancourt paraît à la porte de la salle à manger, serviette à la boutonnière, des rubans de toutes les couleurs à son avis. « Mais où diable est donc passé mon gendre ?»« Le beau-père, mon gendre, tout est rompu !» Et Nonancourt est un peu gris. « Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais nous dînons ?»« Comment, où ça? Ben là !» Ça précise le dîner de la baronne, en effet, toute la noce est installée à la table de la baronne. Satané, vos quittes, de quelle grande maison, j'y reviendrai quelquefois. Alors permettez, mais c'est égal, votre conduite est celle d'un pas grand-chose. Bon père, abandonnez votre femme, le jour de la noce, allez ses dîners sans vous. Et les autres, eh bien, ils dévorent. Oh, mais voilà bien, oh, là, je sens une sueur froide, moi. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais encore, je crois que je suis un peu pochard. Allons, bon, et les autres? Mais ils sont comme moi. Robin s'est jeté par terre en allant chercher la jarretière. Nous avons ri. Oui, oh Christ. Oh, que va dire la baronne? Et le chapeau qui n'arrive pas, si je l'avais, je décamperais. Vive la mariée! Vive la mariée! On entend des cris dans la salle à manger. Mais voulez-vous vous taire, dit Fadina, voulez-vous vous taire? Non, encore dit, je sais pas ce que j'ai fait de mon myrte. Fadineur, allez, rentrez vite. Je l'ai empoté le jour de sa neige. Oui, vous le retrouverez, il est dans le fiacre, allez. Un domestique arrive avec un candélabre, il ouvre la porte du fond, il pousse un cri, il aperçoit toute la noce à table. Oh mon Dieu, tout est perdu. Silence, dit Fadineur au domestique, tais-toi, si tu bouges, je te jette par la fenêtre. Et à ce moment-là, arrive une petite femme de chambre qui arrive avec un petit carton à chapeau. « Monsieur, voilà le chapeau. »« Ah !» dit Fadinard. « Le chapeau !»« Ah, tiens, dit-il à la femme de chambre, tiens, voilà pour toi et ma bourse. » Il l'embrasse. « Qu'est-ce qu'il a dans cet homme-là »« Enfin, je le tiens !» Il ouvre le carton, il en tire un chapeau noir. « Un chapeau noir en crêpe de Chine ?»« Arrive ici, petite malheureuse !»« Et l'autre ?»« Réponds, où est-il, l'autre ?»« Oh, ne me faites pas de mal, monsieur. »« Chapeau de paille, dit-elle, où est-il? Je le veux. » Mais, madame, on a fait cadeau à sa filleule, madame de Beaupertuis. Oh, mille tonnerres, c'est à recommencer. Où demeure-t-elle? 12 rue de Ménard. C'est bien, va-t'en, tu m'agaces. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de filer. La noce et le beau-père s'arrangeront avec la baronne. Ça. Oui, cousin, dit Bobin qui passe sa tête par la porte de la salle à manger. Quoi? Est-ce qu'on ne va pas danser? Si, je vais chercher les violons. Et maintenant, 12 rue de Ménard. Dit Fadinard. Et il s'enfuit à cette adresse chez cette madame de Beaupertuis qui possède, croit-il, le chapeau de paille d'Italie de la baronne. Au 4e acte, nous sommes dans la chambre à coucher de monsieur de Beaupertuis. Vous vous rappelez que M. de Beaupertuis a épousé Mme de Beaupertuis, qui est la nièce de la baronne que nous venons de quitter. Et que la baronne a donné son chapeau de paille d'Italie à sa nièce, Mme de Beaupertuis. Nous sommes chez Beaupertuis. Et M. Beaupertuis est tout seul. Il est assis devant un paravent. Il est en train de prendre un bain de pied. Une serviette cache ses jambes, ses souliers sont à côté de sa chaise, une lampe sur un guéridon, les rideaux de l'alcôve du lit sont ouverts, C'est l'intérieur douillet d'un bourgeois riche, en 1850. Et on entend Monsieur de Beaupertuis qui soliloque. C'est bien drôle, c'est bien drôle. Ma femme me dit ce matin à 9h moins 7 minutes, Beaupertuis, je sors, je vais acheter des gants de Suède. Elle n'est pas encore rentrée à 9h15 du soir. On ne me fera jamais croire qu'il faille 12h52 minutes pour acheter des gants de Suède, à moins d'aller les chercher dans leur pays natal. À force de me demander où ma femme pouvait être, j'ai gagné un mal de tête fou. Alors j'ai mis les pieds à l'eau et j'ai envoyé la bonne chez tous nos parents, amis et connaissances. Personne ne l'a vu. Oh, j'ai oublié de l'envoyer chez ma tante Gros Minet. Anaïs y est peut-être. Et il sonne. Virginie, Virginie! Car Virginie est la femme de chambre de monsieur et madame de Beaupertuis. Et Virginie entre avec une bouilloire. Voilà de l'eau chaude, monsieur. Très bien, mais là, là. Écoute, Virginie. Prenez garde, monsieur, elle est bouillante. Te rappelles-tu bien? Quelle toilette avait ma femme ce matin quand elle est sortie? Sa robe neuve à volant, dit Virginie, son beau chapeau de paille d'Italie. Oui, un cadeau de la baronne, sa marraine. Un chapeau de 500 francs au moins pour aller acheter des gants de Suède. Oh, c'est bien drôle. Ah, le fait est que c'est pas ordinaire, dit Virginie. Bien certainement, ma femme est en visite quelque part. Dans le bois de Vincennes, dit Virginie. Tu vas aller chez madame Gros Minet. Au Gros Caillou? Je suis sûr qu'elle est là. Oh, monsieur, je suis sûr que non. Hein? Tu sais donc? Moi, monsieur? Non, non, sérieux, je dis, je ne crois pas. C'est que... Voilà 2 heures que vous me faites courir, moi, monsieur, j'en peux plus. Gros Caillou, c'est pas à 2 pas. Ben, prends une voiture. Voilà 3 francs. Allez, va, cours. Et Virginie, ça. Oh, la tête me part, dit Beaupertuis. J'aurais dû y mettre de la moutarde. Oh, Anaïs, si je croyais... Il n'est pas de vengeance, pas de supplice. Que... On entend guiding. Ah, enfin, la voici. Entrez. On sonne très fort. J'ai les pieds à l'eau, tu n'as qu'à tourner le bec. Entre, cher ami. Et ce n'est pas madame de Beaupertuis qui rentre, c'est Fadina. Il est égaré, il est éreinté, il est essoufflé. Monsieur Beaupertuis, s'il vous plaît. Un étranger? Quel est ce monsieur? Je n'y suis pas. Très bien, c'est vous. Bon, je n'en peux plus. Oh là là, on nous a tous rossés chez la baronne. Moi, ça m'est égal, mais Nonancourt est furieux, veut faire mettre un article dans les débats contre le veau qui tête. Étrange hallucination. Ouf. Sortez, monsieur, sortez. Merci, monsieur. Merci. Vous demeurez haut, monsieur, votre escalier est raide. Mais monsieur, on n'entre pas ainsi chez les gens. Je vous réitère. Fadina regarde, il soulève un peu la serviette. Vous prenez un bain de pied, monsieur, ne vous dérangez pas, j'ai que peu de choses à vous dire. Il prend la bouilloire. Non, je ne reçois pas, monsieur. Je suis pas en état de vous écouter, j'ai mal à la tête. Fadinaire verse de l'eau chaude dans le bain. Chauffez votre bain, monsieur. Aïe! Oh, mais vous m'ébouillantez, monsieur. Voulez-vous laisser ça, voyons? Mais que demandez-vous? Qui êtes-vous? Léonidas Fadinaire, 25 ans, rentier, marié d'aujourd'hui. Mes 8 fiacres sont à votre porte, monsieur. Mais qu'est-ce que ça me fait, monsieur? Je ne vous connais pas. Ni moi non plus, je ne désire pas faire votre connaissance. Je veux parler à madame, votre épouse. Ma femme, vous la connaissez? Fadinard dit non, pas du tout, mais je ne sais à n'en pas douter qu'elle possède un objet de toilette dont j'ai le plus pressant besoin. Il me le faut! Hein? Il me le faut, monsieur, il me le faut. C'est un voleur au bonsoir, dit Beaupertuis. Fadinard lui remet de l'eau chaude dans la boue. Encore un coup, monsieur, sortez, vous m'ébouillantez. Pas avant d'avoir vu madame. Mais il n'y est pas, monsieur, à 10h du soir, mais c'est invraisemblable. Je vous dis qu'elle n'y est pas, monsieur. Vous laissez courir votre femme à des heures pareilles, dit Fadinard, ce serait par ton jobard, monsieur. Et lui remet de l'eau bouillante. Ah, eh bien, monsieur, sacrebleu, je vois ce que c'est, madame est couchée, mais ça m'est égal, monsieur, mes intentions sont pures. Je fermerai les yeux, nous traiterons à l'aveuglette cette négociation. Mais monsieur, où est sa chambre, s'il vous plaît? Monsieur, je vous brûle la cervelle! Et Beaupertuis envoie la bouilloire sur Fadinard, qui part le coup en fermant le paravent sur Beaupertuis. Mais je vous l'ai dit, monsieur, j'irai jusqu'au crime, dit Fadinard égaré, qui n'en peut plus, qui commence à devenir fou. Car à ce moment-là, toute la noce va arriver. Toute la noce, qui croit, avec Nonancourt, avec la petite Hélène, avec Bobin et avec tous les parents, Ils croient qu'ils sont chez le gendre Fadina. Ils croient que c'est son appartement. Alors ils occupent tout l'appartement. Ils se couchent dans les lits. Tout le monde se cache dans l'appartement qui est grand. Et Fadina revient avec... Parce qu'il cherchait, il se promenait en cherchant après le chapeau dans l'appartement. Heureusement, il ne rencontre pas Sanas. Ils sont tous dans la chambre de Madame de Beaupertuis. On est en train de mettre la jeune Hélène dans le lit de Madame de Beaupertuis. Et toutes les femmes de la famille entourent et chantent autour du lit. Fadina revient. Elle n'y est pas. J'ai fouillé partout, j'ai tout bouleversé. Je n'ai rencontré sur ma route qu'une collection de chapeaux de toutes les couleurs. Bleu, jaune, vert, gris, l'arc-en-ciel, quoi, mais pas un fétu de paille. Beaupertuis qui poursuivait Fadina. Ah, le voilà! Il a fait le tour de l'appartement. Ah, je te tiens. Lâchez-moi, monsieur. Ne te défends pas! J'ai un pistolet dans chaque poche. Pas possible. Il prend les pistolets dans les poches de Beaupertuis. Ah, l'assassin! Dit Beaupertuis. Ne criez pas ou je commets un déplorable fait, Paris. Rendez-moi mes pistolets, monsieur. Donnez-moi le chapeau. Donnez-moi le chapeau ou la vie. Ah, oh, dit Beaupertuis, ce qui m'arrive là est peut-être unique dans les fastes de l'humanité. J'ai les pieds à l'eau, j'attends ma femme, et voilà un monsieur qui vient me parler de chapeau et me viser avec mes propres pistolets. Mais, dit Fadina, c'est une tragédie, monsieur. Vous ne savez pas, un chapeau de paille, mangé par mon cheval dans le bois de Vincennes, tandis que sa propriétaire errait dans la forêt avec un jeune milicien. Eh bien, mais qu'est-ce que ça me fait? Mais vous ne comprenez pas, monsieur, qu'ils se sont incrustés chez moi, à bague de 369. Mais pourquoi cette jeune veuve ne rentre-t-elle pas chez elle? Jeune veuve est plutôt au ciel, monsieur, mais il y a un mari. Une canaille, un gredin, un idiot qui la pilerait sous ses pieds comme un frêle grain de poivre. Ah, je comprends ça, oui, mais nous le fourrons dans le mari grâce à vous, gros farceur, gros gueugueux, hein. N'est-ce pas que nous le fourrons dedans, hein, monsieur? Monsieur, dit Beaupertuis, ne doit pas me prêter. Dépêchons-nous, monsieur, dépêchons-nous. Voici l'échantillon. Il lui montre l'échantillon de paille d'Italie avec les coquelicots. Beaupertuis voit l'échantillon. Grand Dieu! Paille de Florence, coquelicot. C'est bien ça, dit Beaupertuis, c'est le sien. Et elle est chez lui. Les gants de Suède étaient une craque. Oh, monsieur, ça craque si souvent. Voyons, monsieur, combien? Oh, monsieur, il va se passer des choses atroces. Marchons, monsieur, marchons. Mais où ça? Chez vous, monsieur. Sans chapeau, silence, monsieur. Et la petite Virginie arrive. Monsieur, je viens du Gros Caillou, il n'y a personne. Silence! Fadina reconnaît Virginie. Grand Dieu, la bonne de la dame. Virginie dit, tiens, le maître de Félix. Beaupertuis. On parle dans la chambre de ma femme. Ah, nous allons voir, elle est rentrée. Et il sort en boitant dans la chambre où se trouve Hélène avec toutes les femmes de la noce. Fadina reste seule avec Virginie. Que viens-tu faire ici, petite malheureuse? Comment est-ce que je viens faire? Je rentre chez mon maître, non? Ton maître? Beaupertuis, ton maître? Mais qu'est-ce qu'il a? Malédiction! C'était le mari et je lui ai tout dit. Comment? Est-ce que madame me va-t'en, Pécor? Va-t'en, va-t'en ou je te coupe en tout petits morceaux? Ah, oh, et ce chapeau que je pourchasse depuis ce matin, avec ma noce en croupe, le nez sur la piste comme un chien de chasse. J'arrive, je tombe en arrêt, c'est le chapeau mangé. Par la suite, le mari Beaupertuis retrouvera ses pistolets, il les reprendra à Fadina, et il forcera ce dernier à sortir avec lui parce que il veut que Fadina le mène chez lui, Fadina, où il croit qu'est sa femme. La maison de Fadina se trouve place Baudoyer. Place Baudoyer, c'est une vieille place de Paris qui existe toujours d'ailleurs, et Fadina habite là au numéro 8. N'oublions pas que toute la noce était restée dans l'appartement de monsieur de Beaupertuis, croyant que c'était l'appartement de Fadina. Mais une fois remise de son erreur, la noce va retrouver l'adresse de Fadina et va se rendre aussi place Baudoyer. Si bien qu'au cinquième acte, nous allons retrouver tout le monde sur cette place. La noce à la recherche du numéro 8. Baudoyer. On voit des rues différentes à droite à gauche, on voit la maison de Fadina, et en face de la maison de Fadina, sur la place, est un poste de la garde nationale, avec une guérite. Il fait nuit et la scène est éclairée par un gros réverbère qui est suspendu à une corde qui traverse toute la scène de ces vieux réverbères parisiens, comme nous, il y en a encore quelques-uns perdus dans Passy, par exemple. Alors, toute la noce est là épuisée de fatigue. Les femmes sont couchées sur les baluchons, sur les cadeaux. Tout le monde est épuisé, tout le monde est là, attendant les événements, parce que le père Nonancourt cherche, à travers la place, la maison du numéro 8, finalement, il la trouve. Mais à ce moment-là, entre le domestique Félix, qui arrive d'une rue. Et Félix s'étonne, m'a dit, mon Dieu, que de monde! Nonancourt reconnaît le domestique. Ah, son groom! Arrive ici, Mascarille! Tiens, c'est la noce de mon maître, oh monsieur. Avez-vous vu mon maître? As-tu vu mon gueux de gendre, toi? Voilà plus de 2 heures que je cours après, monsieur. Nous passerons de lui, dit Nonancourt. Ouvre-nous la porte, Pierrot! Mais monsieur, dit le domestique, c'est impossible, ça m'est bien défendu. La dame est encore là-haut. Tout le monde. Une dame? Une dame? Oui, monsieur, qui est chez nous, sans chapeau depuis ce matin, avec assez! Une maîtresse, un jour de noce, sans chapeau, qui se chauffe les pieds au foyer conjugal. Et nous, sa femme, nous, ces belles gens, nous flanotons depuis 15 heures avec des myrtes dans nos bras. Ah, turpitude de turpitude. Oh, dit la petite, je vais me trouver mal. Pas par terre, ma fille. Tu flétrirais ta robe de 53 francs. Mes enfants, jetons une malédiction sur cet immonde polisson et retournons tous à Charentonneau. Et tout le monde dit oui, oui, tout le monde n'en peut plus. Et la petite dit, mais papa, je ne veux pas lui laisser mes bijoux, mes cadeaux de noces. Ma fille, ceci est d'une femme d'ordre. Grimpe là-haut, Jocrisse, dit-il à Félix. Descends-nous la corbeille, les écrins et tous les bibelots de ma fille. Mais monsieur, grimpe! Si tu ne meurs d'envie que je greffe une de tes oreilles. Il le pousse dans la maison de Fadila. Oh, dit la petite Hélène, papa, vous m'avez sacrifié comme Iphigénie. Nonancourt, mais que veux-tu? Il était rentier. Voilà ma circonstance atténuante aux yeux de tous les pères. Il était rentier, le capon. Et à ce moment-là, Fadinard arrive. N'oublions pas que Fadinard est poursuivi par le mari Beaupertuis. Seulement, il a été plus vite que Beaupertuis. Il a couru de toute la force de ses jeunes jambes, tandis que Beaupertuis est vieux, il ne peut pas marcher aussi vite. Alors, Fadinard arrive le premier, effaré, exténué. Oh, la rate, la rate, la rate, la rate, la rate. Ah, tout le monde dit, le voilà. Ah, tiens, dit Fadinard, tiens, voilà ma noce. Ah, bon père, ah, je voudrais m'asseoir sur vos genoux. Nous n'en tenons pas, monsieur. Tout est rompu! Fadinard, taisez-vous! Plaît-il? Taisez-vous, non, mon gros bleu, dit Fadinard. Mais taisez-vous vous-même, sauvageon! Non, non, je me trompais. Il a perdu mes traces. Et puis, ses souliers le gênent. Il boite comme feu Vulcain. Nous avons quelques minutes à nous pour éviter cet affreux massacre. La petite, un massacre? Que laisse feuilleton? Mais le chacal à mon adresse. Il va venir bourrer jusqu'à la gueule de poignard et de pistolet. Il faut faire échapper cette dame. Ah, dit Nonancourt, tu en conviens, Sardanapal. Tout le monde, il en convient. Fadinard, plaît-il? Et à ce moment-là, Félix apporte en scène la corbeille, des paquets, un carton à chapeau de femme. N'oublions pas ce détail. Félix, voilà les bibelots, dit-il, les pose tout à terre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, dit Fadinard? Jean de la noce, dit Nonancourt. Que chacun de nous prenne un colis et opérons le déménagement. Comment? Le trousseau de mon Hélène? Elle ne l'est plus, monsieur. Je la remporte avec armes et bagages dans mes pépinières de Charentonneau. M'enlever ma femme à minuit, mais je m'y oppose. Je brave ton opposition. Ne touchez pas au trousseau. Et il cherche à arracher un carton à chapeau dont s'est emparé Nonancourt. Le fameux carton à chapeau. Nonancourt dit, veux-tu lâcher ça, bigame? Alors, ils se battent autour de ce carton. Le carton cède. Nonancourt reste avec le couvercle, tandis que Fadinard par terre avec le reste du carton. Ah, tout est rompu, mon gendre. Le bas du carton qui contient le chapeau est resté dans ses mains, comme je vous dis. Et Vézinet, le vieux sourd, ramasse le carton. Mais prenez donc garde, dit-il, un chapeau de paille d'Italie. Fadina, hein? D'Italie? Vézinet, mais oui, mon cadeau de noces, je l'ai fait venir de Florence pour 500 francs. Fadinard, de Florence ! Il tire son échantillon et il compare l'échantillon au chapeau sous le réverbère. Mais donnez-moi ça, donnez-moi ça. Est-il possible ? Moi qui depuis ce matin. Oh, et il était dans. Oh, mais oui, conforme, conforme, conforme, et des coquelicots. Vive l'Italie ! Et tout le monde dit, mais il est fou, il devient fou. Vive Vézinet, vive Nonancourt, vive ma femme, vive Bobin, vive la ligne. Il embrasse tout le monde, il embrasse même les gardes nationaux qui se trouvent là devant le poste. Et les gardes nationaux, ils passent au large, sac à papier. Et mais Nonancourt, pendant que Fadinard embrasse follement tout le monde, dit un chapeau de 500 francs, tu ne l'auras pas, gredin. Et il tire le chapeau du carton et il referme le couvercle du carton. Fadinard, qui n'a rien vu, prend le cordon du carton, il le met à son bras et il court vers sa maison en disant « attendez-moi là, je la coiffe et je la flanque à la porte. Nous allons rentrer, nous allons rentrer, nous allons rentrer, attendez-moi là !» Nonancourt, aliénation complète, nullité de mariage, bravissimo, en route mes amis, cherchons nos fiacres. Il montre et rencontre une patrouille qui arrive au fond. Caporal de la patrouille, halte là messieurs, que faites-vous là avec ces paquets ? Caporal, nous déménageons. Clandestinement ? Mais permettez, je silence, vos papiers. Oui, monsieur, dit le sourd. 500 francs sans les rubans. Oh, nous voulons faire le farceur. Mais du tout, caporal, ce malheureux vieillard. Vos papiers ! Ah, par exemple. Mais monsieur, papa. Vos papiers ! Mais puisqu'on vous dit que nous n'en avons pas, nous sommes venus pas de papier, allez au poste. Vous vous expliquerez que l'officier. Oh ! Alors il pousse tout le monde vers le poste. On va emprisonner tout le monde. Nonancourt dit « Je proteste à la face de l'Europe !» Et il est bien obligé d'obtempérer et il rentre dans le corps de garde avec toute la noce en maugréant. « Oh !» dit le factionnaire qui est là et qui n'est autre que Tardivo. « La patrouille est rentrée, j'ai bien envie d'aller prendre mon riolet. » Ah ! Et pendant ce qui suit, ce factionnaire ôte sa capote grise qu'il accroche à son fusil et il met son shako sur la baïonnette de manière à figurer un factionnaire au repos. Mais Fadinard arrive, sortant de sa maison avec le carton suivi d'Anaïs et d'Émile qui, ne l'oublions pas, sont restés dans l'appartement de Fadinard. Allez, venez, venez, madame, venez, j'ai trouvé le chapeau, c'est votre salut, votre mari c'est tout, il est sur mes talons, coiffez-vous et partez. Il tient le carton, Anaïs et Émile ouvrent le carton. Il regarde dedans et jette un grand cri. Tout le monde. Oh ! Ciel ! Vide ! Vide ! Fadinard est garé. Mais il y était ! Il y était ! C'est mon vieux Bosco de beau-père qui l'a escamoté. Oh, où est-il ? Où est-il ? Où est ma femme ? Où est ma noce ? Et le factionnaire Tardivo dit au poste, monsieur, tout ça est au violon. Au violon ? Ma noce ? Et le chapeau aussi ? Comment faire ? Comment faire ? Oh, perdu ! J'y vais, dit Émile. J'y vais, je connais l'officier. Et il rentre dans le poste. Il connaît l'officier, nous l'aurons. À ce moment-là, on entend un bruit de voiture au lointain et Beaupertuis dans la coulisse. Cochez, cochez, arrêtez-moi là, arrêtez. C'est mon mari, il a pris un câble lâche. Oh, monsieur, je remonte chez vous. Non, arrêtez, viens fouiller mon domicile. Le voici, entrez là. Il pousse, Fadinard pousse Anaïs dans la guérite. Oh, mon Dieu, on appelle ça un jour de noces. Beaupertuis arrive en boitant un peu. « Ah, vous voilà, monsieur. Vous m'avez échappé, mais pour acheter un cigare, monsieur. Oui, je cherche du feu. Vous n'avez pas de feu. Monsieur, je vous somme d'ouvrir votre domicile. Et si je la trouve, je suis armé, monsieur. » « Eh bien, dit Fadina, au premier, monsieur, la porte à gauche, là, tournez le bouton, s'il vous plaît. » Parce qu'il sait très bien qu'Anaïs est dans la guérite. Beaupertuis, Christi, c'est drôle, j'ai les pieds enflés. « Il y en a un de biche à la porte, monsieur. » Très bien. Ah, Anaïs sort de la guérite. Mais je suis morte de peur, monsieur. Où me cacher, où fuir ? Oh, ben rassurez-vous, madame, rassurez-vous. J'espère qu'il ne vous trouvera pas là-haut, n'est-ce pas ? Et une fenêtre du poste de police s'ouvre à un étage supérieur et Émile paraît à la fenêtre. Vite, vite, voici le chapeau. Ah, dit Fadinard, nous sommes sauvés, le mari est là. Jetez, jetez. Émile lance le chapeau. Mais malheur, le chapeau reste accroché au réverbère. Oh, sapristi! Alors Fadinard essaye avec son parapluie de le décrocher et il ne peut pas y arriver. On entend dégringoler dans l'escalier de Fadinard Beaupertuis qui crie « Sacré !» Oh mon Dieu, c'est lui. Oh, ça prend l'autre. Tenez, tenez, madame. Alors Fadinard prend la capote grise de garde qui est là sur le fusil, qui est dans la guérite, et il la met sur les épaules d'Anaïs. Il rabat le capuchon sur sa tête, il lui met le fusil entre les mains. Madame, je vous en supplie de l'aplomb. S'il approche, croisez, et passez au large. Hein. Mais ce chapeau, monsieur, ce chapeau, il va le voir. Non, non, ne vous inquiétez pas, madame. Fadinard court au-devant de Beaupertuis et il ouvre son parapluie pour l'empêcher de voir le chapeau de paille qui se balance au-dessus de sa tête. Prenez garde, me dit Fadinard, prenez garde, monsieur, vous allez vous mouiller. Oh, le diable emporte votre escalier sans quinquet, monsieur. Ah ben, on est à 11h. Occupez le mari, dit Émile, occupez le mari. Mais lâchez-moi, non, monsieur, il ne pleut plus, il y a des étoiles. Non, c'est égal, monsieur, c'est égal, vous allez vous mouiller. Mais parbleu, monsieur, je suis un bien grand imbécile. Oui, oui, monsieur. Oh, il élève le parapluie très haut et il saute pour décrocher le chapeau. Comme il tient le bras de Beaupertuis, ce mouvement fait sauter Beaupertuis malgré lui, bien sûr. Beaupertuis, mais vous l'avez fait sauver, monsieur. Mais pour qui me prenez-vous? Qu'avez-vous donc à sauter comme ça, monsieur? Mais j'ai des crampes, monsieur, ça vient de l'estomac. Parbleu, je vais interroger ce factionnaire, dit Beaupertuis. Ah, mon Dieu, dit Anaïs. Non, non, non, non, monsieur, c'est inutile. N'interroge pas ce factionnaire. Il ne répondra pas. Oh, bravo, bravo. Il voit que Émile est en train de scier la corde du réverbère. Il scie la corde avec son épée. Bravo, c'est très bien. Non, non, monsieur, il ne répondra pas. Il est défendu de parler sous les arbres. Mais lâchez-moi, non, monsieur. Mais non, monsieur. Mais non, vous allez vous mouiller. Alors, il le couvre plus que jamais, il saute, et à ce moment-là, Tardiveau, le factionnaire, revenant de la droite, stupéfait de voir un factionnaire à sa place. « Il y a un factionnaire à ma place. Passez au large !» dit la femme, Anaïs. « Hein ?» dit Beaupertuis. « Cette voix !» Fadinard. « Un conscrit !» Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Quoi ?»« Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il écarte le parapluie, il lève la tête. « Rien, c'est rien !» Et Fadinard enfonce le chapeau de Beaupertuis sur ses yeux. Au même instant, la corde est coupée, le réverbère tombe par terre, avec le chapeau, bien sûr. Beaupertuis étouffe dans son chapeau. Ah, oh, ah oh, et Tardiveau crie « Aux armes, aux armes !» Fadinard dit « Ne faites pas attention, c'est le réverbère! C'est le réverbère qui est tombé !» Alors à ce moment-là, les gardes nationaux sortent du poste, des gens paraissent aux fenêtres avec des lumières, et Fadinard décroche enfin le chapeau du réverbère qui est par terre, et il le donne à Anaïs. Anaïs le met immédiatement sur sa tête, elle est sauvée. Et à ce moment-là, Beaupertuis arrive à dégager son feutre de dessus ses yeux, et il dit « Mais encore une fois, messieurs !» Et il voit sa femme, avec le chapeau sur la tête, sa femme qui s'approche les bras croisés avec dignité. « Ah, je vous trouve donc enfin, monsieur !» Et Beaupertuis dit « Ma femme, voilà donc la conduite que vous menez !» Et Beaupertuis dit « Mais elle a le chapeau, Anaïs, vous coltez dans les rues à une parieure !»« Paille de Florence et des coquelicots, » dit Fadinard. « Me laissez rentrer seul à minuit, quand depuis ce matin, je vous attends chez ma cousine Eloa. »« Permettez, madame, votre cousine Eloa. » Fadinard dit à Beaupertuis, mais elle a le chapeau, qu'est-ce que vous voulez de plus, elle a le chapeau. Beaupertuis dit, vous êtes sorti pour acheter des gants de Suède, madame. On ne met pas 14 heures pour acheter des gants de Suède. Fadinard, mais elle a le chapeau. Mais monsieur, je n'ai pas l'avantage de vous connaître, moi non plus, madame, mais vous avez le chapeau. Madame a-t-elle le chapeau, dit-il à tout le monde, même aux gardes nationaux. Et tout le monde répond, elle a le chapeau. Et Beaupertuis dit à Fadinard, mais pourtant, monsieur, ce cheval du bois de Vincennes. Fadinard dit, il a le chapeau. Donnant court paré à la fenêtre du poste, très bien, mon gendre, tout est raccommodé. Et Fadinard dit à Beaupertuis, monsieur, je vous présente mon beau-père. Ton groom nous a conté l'anecdote. C'est beau, c'est chevaleresque, c'est français. Je te rends ma fille, je te rends la corbeille, je te rends mon myrte. Tire-nous des cachots. Et Fadinard dit au caporal, monsieur, y aurait-il de la discrétion, vous réclamez ma noce? Avec plaisir, monsieur, lâchez la noce! Et on lâche enfin la noce qui se répand sur la place Baudoyer. Et tout d'un coup, le vieux sourd Vésiné reconnaît le chapeau qui est sur la tête d'Anaïs. Il dit, oh mon Dieu, mais cette dame-là, cette dame! Et Fadinard très vite, ôtez-moi ce sourd-là. Quoi, monsieur? Mais Vésiné dit, elle a le chapeau! Et Beaupertuis, allons, je suis dans mon tort. Elle a le chapeau.